est bruyant, qui s'enfuit déjà, oublie le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuent parfois, parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre juste après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, oh, ne me quitte pas, ne me quitte pas, mais je t'invoquerai de mes essences que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi, mort de n'avoir pu te rencontrer. Ne me quitte pas, oh yeah. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il de terre brûlée, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, rouge ou noir, ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais yo, ne me quitte pas. Yo, ne me quitte pas, bien sûr. Je suis silence, bien sûr. Je représente les bonnes choses. Yo, j'aime mon hip-hop, j'aime ma musique. Que toutes les bonnes choses soient avec yo. Que toutes les bonnes choses soient avec moi. Je déteste mes ennemis, yo. Mes ennemis. Que le monde soit loué, que Dieu soit loué. Que le seul Dieu unique soit loué. Yes yo, ne me quitte pas. Oh yo. Yo yo. Silence. Yes yo.